Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5831. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé, bonheur sont les vœux du propriétaire Danny Potvin qui vous invite à venir goûter à son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 à Saint-Félicien. Au téléphone 418-769-0900. À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 5 janvier. Donc à quelques heures de la date limite des transactions, les Saguenay de Chicoutimi ont bâclé une importante transaction avec les Foreurs de Val-d'Or. Donc le directeur général et entraîneur-chef Yannick Jean a obtenu Olivier Galipeau, qui est un défenseur de 19 ans. En retour, Yannick Jean a cédé le défenseur de 17 ans David Noël, l'attaquant Jake Smith, ainsi qu'un choix de deuxième ronde en 2018 et un choix de troisième ronde en 2019. Galipeau est un défenseur de 6 pieds, 203 livres, qui a une fiche de 3 buts et 28 passes cette année avec les Foreurs de Val-d'Or. Maintenant que le championnat du monde de hockey junior tire à sa fin, il faudra surveiller le dossier German Rutsoff, qui, selon certaines rumeurs, pourrait se retrouver avec les Saguenay de Chicoutimi. J'écoutais ce matin Yannick Jean sur les ondes de Radio X Saguenay, et Yannick Jean semblait confiant que le Russe allait s'aligner avec les Sags. Il y a une autre petite transaction mineure qui inclut maintenant Jean-Simon Bélanger, qui est un joueur de l'Adoré. Jean-Simon Bélanger qui a été échangé des Saguenay de Chicoutimi au Drakkar de Baie-Comeau en retour d'un choix de 9e ronde. Jean-Simon Bélanger s'aligne présentement avec la formation dans les Maritimes, dans une formation de la Ligue Junior A. Donc il y a peut-être des chances que Jean-Simon Bélanger s'aligne avec le Drakkar d'ici quelques semaines. Sur la glace, les Saguenay ont perdu 4-1 sur les Olympiques de Gatineau. Il y a Dimitri Zoukenov qui a marqué le seul but dans la défaite. Il y a les Huskies de Rouyn-Noranda maintenant de Gilles Bouchard qui ont gagné 5-2 sur la formation des Remparts de Québec. Ça se déroulait hier à Rouyn-Noranda. Et à 50 jours des Jeux du Québec, le comité des Jeux a déjà recruté 1500 bénévoles. C'est environ 50% de l'objectif que le comité s'était donné à pareille date. Maintenant, au cours des prochaines semaines, le comité va mettre en ondes des messages dans les différentes stations de radio et des journaux offrant la possibilité d'être bénévole pendant les Jeux. D'ailleurs, le comité a mis en place sur son site une offre d'emploi pour être attaché de presse. Donc, si ça vous intéresse, contactez Marie-Claude Paradis au mcparadis@2017.jeuxduquebec.com. mcparadis@2017.jeuxduquebec.com. Et la mère de Michel Goulet est décédée au cours des derniers jours. Madame Alphonsine Lavoie sera exposée cet après-midi à compter de 14h au salon funéraire Hébert et Fils au 2355 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Et les funérailles de la mère de l'ancien célèbre numéro 16 des Nordiques seront célébrées demain à 11h à l'église de Péribonka. Madame Alphonsine Lavoie était âgée de 91 ans et 5 mois. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entendu d'abord avec Mathieu Tremblay qui joue en France dans une ligue tiers 2. Mathieu Tremblay qui a déjà évolué avec le multiconcessionnaire de Saint-Félicien et de Dolbeau-Mistassini. Également, je me suis entendu avec Charles Quentin. Lui et son groupe vont partir, à partir d'aujourd'hui, ils vont escalader le mont Kilimanjaro. Et vous pouvez écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Marc Fortier où on parle de l'actualité entourant la Ligue nationale de hockey. Sport local et régional, à danradiosport.com à son équipe.